entier tes adorations. Fais monter ton adoration ce soir. Prie, monte au nom de Jésus. Et nous t'adorons. Bien-aimés, sous cette atmosphère, commence à adorer le Seigneur. Élève ta voix, commence à lui parler ce soir. Au milieu de plusieurs, il peut t'écouter. Au milieu de plusieurs, il peut te faire grâce. Au milieu de plusieurs, il peut accomplir ce que les hommes ne peuvent pas. Attire son regard sur ta vie par ton adoration. Il est puissant. Il est redoutable. Oh, sois élevé ce soir. Sois élevé, Jéhovah. Sois élevé dans ta présence. Sois élevé au milieu de nous. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Dieu qui te sauve, qui te guérit, qui te visite. Oh Seigneur, sois béni ce soir. Sois élevé dans ta présence. Tu accomplis ce que les hommes ne peuvent pas. Oh, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Donne la joie à ton frère. Donne la joie à ta sœur. Dis-lui bienvenue ce soir. Bienvenue au rendez-vous, Dieu va te visiter. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui ne salue pas les gens, vraiment, c'est compliqué. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Alors, je vais demander à la technique de nous projeter l'affiche. Pendant qu'il nous projette l'affiche, voilà, ce soir, c'est le berger Josias qui va nous parler. Nous allons lui demander de se tenir debout, l'église va l'accueillir. Un homme bien, il est calme. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons l'inviter. Pendant qu'il s'avance pour prendre la parole, église, nous acclamons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que maintenant on peut tous se tenir debout et acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer et célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser de cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? La chorale, j'ai besoin de vous. Nous allons faire un chant ensemble. Alléluia. Restons debout, nous allons faire ce chant et le Seigneur nous fera énormément de bien. Car il est glorieux. Est digne de régner, l'agneau est souverain, car il est glorieux, est digne, l'agneau. Oui, nous élevons, oui, nous élevons, nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau, Jésus. Oui, nous élevons, oui, nous élevons. Fais-moi ce chant. Yendembele nawe Yesu katika ne nolake Mungu uniweze shekila siku yendembele. Muniweze shekila siku. Je disais, est-ce qu'on peut encore une fois, merci la Cora, est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Est-ce que les mamans peuvent pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci. À santé. Que le Seigneur Dieu nous bénisse très bien. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes dans la joie ce soir. Alléluia. Je sais qui est dans la joie ce soir. Si tu crois que le Seigneur lui fera énormément de bien ce soir. Qui n'est pas venu rencontrer un homme, mais est venu rencontrer le Créateur. Je disais, qui croit fermement que ce soir sera une soirée de rencontre avec le Créateur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse encore une fois. Avant toute chose, je tiens à dire merci à Dieu qui a permis à tous, à nous tous d'être là ce soir. Nous très conscients que c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes là. Ainsi, nous disons merci à Dieu. Nous tenons aussi à passer nos remerciements à l'once de l'église qui est notre papa. Accent, comme tu m'as dit, notre papa, révérend Désiré Mbaye. Baba yetu, révérend Désiré Mbaye. Pour la marque de confiance. Il est le canal par lequel Dieu est passé afin d'établir ses assises. Ainsi, nous lui sommes reconnaissants de là où il est. Nous prions que notre Dieu, que son Dieu lui garde longtemps. Et je tiens aussi à passer mes remerciements envers maman. Pour tout l'amour que vous avez envers nous et pour la marque de confiance. Merci maman. Je tiens aussi à dire merci au collège des anciens, au collège du Christ, à l'ancien Christian, et non d'un Christian. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer? Alléluia. Merci pour votre amour, merci pour accent votre cœur. J'aimerais ensemble que nous puissions maintenant honorer la présence de notre maman. Est-ce que nous tous, on peut se tenir debout afin d'honorer la présence de notre mère? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux bien le faire? Eti unaweza kuyafanya vizuri? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tena. Est-ce qu'on peut nous mettre l'affiche? Wanaweza kutuwekea kwa hii picha. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire la domination spirituelle par la connaissance de Dieu? Non, est-ce que tu peux bien le dire, la domination spirituelle par la connaissance de Dieu? Je tiens à remercier le Seigneur pour les grâces qui m'ont précédé. Des hommes exceptionnels, des hommes merveilleux, des prédicateurs étranges. Waubiri, wa mastajabu. Lorsque le révérend, l'autre fois, lorsque j'ai vu le berger prêcher, wakati iliopita mlinda chaweza kuhubiri, je me suis dit qu'il a tout dit. Il sema aliweza kusema yote. Hier encore une fois, tena mara nyingine, j'ai dit le prophète Jado a tout dit. Il sema nabi Jado alisema yote. Et la question que je me posais, que j'ai posée au Saint-Esprit, swali ambalo nilijiuliza na kumuliza Roho Mtakatifu, nitaongeza nini? Qu'est-ce que moi je vais ajouter? Alléluia. Amen. Qui était là ce hier? Nani alikuwa hapa jana? Qui était béni hier? Nani alibarikiwa jana? Et je crois fermement aussi que le Seigneur. Naamini kwa uketo kusema Mungu. Atatufanyia mema jana leo. Est-ce que tu peux me changer d'instrumental? Donne-moi un instrumental et puis on va monter. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de la domination spirituelle par la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut nous donner le verset de base, Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel suraka 11, mstari wa 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce qu'on peut nous donner aussi Genèse chapitre, le livre de la Genèse chapitre 3? Kitabu kya mwanzo sura yake ya 3. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura yake ya 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. On continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh my God. Et je me suis caché. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Bwana Mungu atubariki kwa utele. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux parler de deux choses. Je veux parler de la connaissance de Dieu et du système mondial ou du système du monde. Mais avant que je ne parle de la connaissance de Dieu, j'aimerais établir mes bases sur les systèmes du monde. Vous allez vous rendre compte d'une chose. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1er le verset 5. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, je te connaissais. Avant que tu ne fusses soutien du sang de ta mère, je t'avais établi et consacré prophète. Et quand vous prenez ce verset, j'ai eu à comprendre une chose. C'est que Dieu établit la destinée de l'homme avant de créer l'homme. Je répète, Dieu établit la destinée de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Mais vous allez vous rendre compte dans le processus de la création. Lorsque Dieu finit de créer l'homme, la première des choses que Dieu cherche à faire, il ne cherche pas à savoir dans quelle église cet homme ira. Il ne cherche pas à savoir dans quelle école cet homme va étudier. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. La première chose que Dieu cherche à savoir après avoir créé l'homme, c'est de savoir dans quelle famille naîtra cet homme. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un et vous allez vous rendre d'une chose. Lorsque l'homme naît, la première de choses qu'il rencontre, ce n'est pas d'abord Dieu, ce n'est pas d'abord les anges, mais la première de choses que l'homme rencontre à sa naissance, c'est le système établi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, lorsque l'homme naît, la première de choses que l'homme rencontre, c'est le système. N'est-il pas écrit? La Bible déclare, celui qui s'est fait ami au monde s'est fait ennemi à Dieu. Lorsqu'on parle du monde, on ne fait pas référence à la terre. Lorsqu'on parle du monde, on ne fait pas référence aux astres. Mais lorsqu'on parle du monde, on fait référence à un système établi par le diable. Et lorsque l'homme vient sur la terre, la première de choses que cet homme rencontre, c'est le système établi par le diable. Et le premier système que l'homme rencontre, c'est le système familial. Est-ce que quelqu'un peut dire le système familial? Et lorsqu'on parle du système, le système, c'est une organisation des pensées, des valeurs est-ce des croyances établies par le diable qui sont contraires aux valeurs, aux croyances établies par Dieu? Je répète, le système du diable, c'est une organisation des pensées, des valeurs et des croyances établies par le diable qui sont contraires aux valeurs, aux croyances établies par Dieu. Vous allez vous rendre compte d'une chose. L'église aujourd'hui a du mal à connaître profondément parce que l'église est sous un système établi par le diable. Aujourd'hui, les hommes ont du mal à exceller. Aujourd'hui, les hommes ont du mal à avancer parce qu'ils ont trouvé un système qui définit leur façon de penser. Vous allez comprendre le plus grand pouvoir du système du diable. C'est que le système a la capacité d'influencer ta pensée, d'influencer tes croyances afin de t'éloigner de ta destinée. Aujourd'hui, Léo, il y a des familles à cause de ce que le diable a fait. Ils ne croient plus à l'excellence dans la vie. Aujourd'hui, à cause du système judiciaire, nous sommes en train de se dire que tout chrétien doit échouer. C'est que Christ on cherche Dieu parce qu'on a échoué. On cherche Dieu parce qu'on a raté la vie. Aujourd'hui, le ministère est devenu une porte de secours pour ceux qui ont échoué la vie. Pourquoi le diable a échoué un système qui change la pensée de Christ. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, l'une des voies par lesquelles le diable peut établir un système dans une famille, c'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel est parmi les voies utilisées par le diable afin d'établir un système. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, l'une des choses bizarres avec l'autel, c'est que l'autel a la capacité de demeurer dans le temps même lorsque la personne ayant bâti l'autel est déjà partie, parce que l'autel ne dépend pas de celui qui le bâtit, mais l'autel dépend des esprits auxquels il est dédié. Et lorsque le diable veut établir un système, il établit des hôtels qui dirigent des familles. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui dans l'église, les gens sont bloqués et n'arrivent pas à connaître profondément parce qu'il y a un système qui les dirige. Mais je crois fermement que ce soir, dans l'action de notre Père, Dieu est en train de briser toute forme de système qui ne vient pas de Dieu. Il a tu as raté un moment de dire on amen. Est je dirais que la première fois dans lequel le diable est établi un système, il y a ce qu'on appelle l'autel. Est-ce que quelqu'un peut dire l'autel? Et je vous ai dit que l'autel a la capacité de demeurer dans le temps, même lorsque la personne ayant bâti cet autel n'est plus. Alléluia. Amina. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, la qualité que dirige un hôtel, plutôt la qualité du système que dirige un hôtel, est fonction de deux choses, est fonction des paroles dites sur l'hôtel, et il est fonction des sacrifices donnés sur l'autel. Je répète, la qualité ou la puissance d'un hôtel est fonction de ces deux choses, les paroles dites sur l'autel et le sacrifice donné sur l'autel. C'est pourquoi même l'église, la puissance de l'église réside sur les paroles dites sur la plus grande autel par Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malatoua à campé. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que l'église aujourd'hui. Vous allez voir que des gens sont oppressés. Parce que depuis leur naissance, on leur a dit, dans notre famille, personne ne se marie. Et c'est devenu un système où ils se retrouvent dans une relation. Ils se rappellent des paroles du système que personne dans votre famille ne se marie. Pensez que vous oubliez, vous devenez ce que votre esprit pense. Alléluia. Amina. Autrement, je peux dire la qualité de ta vie est fonction de la qualité de tes pensées. C'est pourquoi le but du système est de limiter ta capacité. C'est pourquoi certaines pauvretés n'est pas une question d'esprit, mais c'est une question de réflexion. Le diable a limité votre réflexion et vous pensez que pour aller loin il faut toucher au fétiche. C'est un système que le diable a établi. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons briser ce système. Et le deuxième système que l'homme rencontre, c'est le système environnemental. C'est un système lié à l'environnement dans lequel tu vis. Une chose que vous ne devez jamais oublier, la qualité de ce que tu deviens est fonction aussi de la qualité des personnes que tu fréquentes. Quand le diable veut bloquer ton excellence, il t'amène dans un environnement où le système établit tout autour de l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, lorsque le diable veut t'empêcher à aller, il t'emmène dans un environnement où le système qui dirige cet environnement, c'est un système lié à l'échec. Je vous donne un exemple. La Bible déclare que Dieu dit à Saoul, Samuel dit à Saoul, tu rencontreras une troupe de prophètes et l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras transformé en un autre homme. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Saoul n'a jamais été un prophète. Saoul n'a jamais eu l'onction prophétique. Mais parce qu'il s'est rencontré dans un environnement où le prophétique coulait, l'esprit de Saoul pouvait aussi couler parce qu'il est entouré de prophètes. Et quand le diable veut te limiter, il te ramène dans un système de personnes qui ont des pensées limitées. Je répète, quand le diable veut te limiter, il te ramène dans un environnement où les personnes que tu fréquentes ont une pensée très limitée. Une pensée, quand tu es riche, assez riche. Non, il faut tout m'engager bien. En avant, Balao. Il a touché au fétiche. Quoi? Le système. Le système a pour but influencer ta qualité de pensée. Lorsque ta qualité de pensée est influencée, il sera difficile de connaître Dieu. Je répète, lorsque la qualité de ta pensée est déjà, ce système a tout simplement le but de bloquer la connaissance de Dieu. Il est système et la masingira ya kuweza kufunga tu. C'est pourquoi aujourd'hui peu de gens connaissent Dieu. Parce que beaucoup de gens sont sur un système. Mais j'aimerais finir avec le dernier système. Lakini napenda kuisha tu na jambo la mwisho. Il y en a plusieurs, mais je veux m'arrêter cela. Huko ya mingi lakini itasimamia hapa. C'est qu'on appelle le système du monde. Est-ce qu'on peut nous mettre au Apocalypse chapitre 17? Ufunuo sura ya 17. Est-ce qu'on peut être rapide? 17, chapitre 17. Puis un de sept ans qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On avance. Et c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et de barrés d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alléluia. Amen. Vous allez maintenant comprendre que le plus grand système, le deux premiers systèmes dont je vous ai parlé, c'est beaucoup plus des systèmes qui attaquent la famille et qui attaquent ta vie. Mais le dernier système dont je veux vous parler, c'est un système qui attaque l'église. Mais avant de vous parler de ce système, j'aimerais vous dire une chose. À chaque fois que le diable veut imposer un système, il l'impose par une voie la plus utilisée. Et cette voie, c'est ce qu'on appelle l'enseignement. Je répète, car la qualité de ce que tu deviens est fonction de la qualité de ce que tu entends. Je répète, la qualité de ce que tu deviens est fonction de la qualité de ce que tu as. Ainsi, lorsque le diable veut établir un système, il établit un enseignement et qu'on a qui sera en train de devenir une porte par laquelle les chrétiens entreront dans un système qui n'est pas de Dieu. Qui est celui à qui tu donnes tes oreilles? La première femme est tombée parce qu'elle a donné ses oreilles à quelqu'un qui n'était pas dans le jardin. La Bible ne dit pas que le serpent était dans le jardin. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. Il y a une différence entre le champ et le jardin. C'est l'une des choses que vous devez comprendre. Vous devez donner vos oreilles uniquement avec les mêmes personnes avec qui vous occupez une même atmosphère. Parce que le jardin de Dieu était une atmosphère. Le champ aussi était une atmosphère. J'aimerais vous dire une chose. Quand je médite, la malédiction que Dieu donne à l'homme, j'ai compris une chose, c'est que Dieu est en train de ramener l'homme à la dimension du serpent. Je répète, quand je regarde la malédiction que Dieu donne à l'homme, je comprends une chose. Parce que la femme a donné ses oreilles à un animal qui occupait les champs. La malédiction qui est venue sur l'homme a amené l'homme dans le champ. Oh, tu ne m'as pas entendu. Pourquoi tu deviens ce que tu entends? Alléluia. Et lorsque le diable veut établir un système, il vient établir un enseignement. Hosanna. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sous un système qui est en train de combattre l'église. Il est le système du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire le système du monde? J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit une chose. Que la femme tenait une coupe en or. Mais ce que j'aime avec la Bible, la Bible déclare qu'à l'intérieur de la coupe, il y avait de l'abomination. Et l'impureté. Et par là j'ai compris une chose. La méthode utilisée par le diable afin d'établir un système, c'est la méthode de séduction. Parce que l'or est un élément qui attire. Les hommes sont attirés par la beauté de l'or, mais ils ignorent la qualité de la coupe, la qualité intérieure de la coupe. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de regarder ce qui brille. C'est pour laquelle même la Bible déclare, le diable se déguise en ange de lumière. Parce qu'il sait que la génération dans laquelle nous sommes, nous sommes attirés par les choses qui brillent. Mais quelqu'un a dit, tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, Jésus ne brillait pas. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Yes. Et c'est ainsi. Nani Yves. Je veux vous parler du premier signe. Le premier signe qui montre que vous n'êtes plus dans l'atmosphère de Dieu. Et vous êtes désormais sous le système. C'est lorsque vous trouvez de facilité à faire des choses que le Seigneur vous a interdites. Avant que Ève ne rencontre le serpent, Ève n'a jamais vu que l'arbre était bon pour manger. Je répète, tout ce temps Ève et Adam vivaient dans le jardin, en aucun jour ils ont vu la beauté de l'arbre dans le monde. Mais le jour qu'ils ont donné les oreilles au serpent, c'est le jour qu'ils ont vu la beauté de l'arbre. Je voudrais dire à une personne, autrefois tu craignais le Seigneur, autrefois tu avais des interdits, mais aujourd'hui tu fais facilement parce que tu es sous le système établi par le diable. Alléluia. La deuxième des choses qui vous montre que vous n'êtes plus sous le système ou l'atmosphère, c'est que le péché devient normal. Parce Parce que le système du monde, c'est de faire en sorte que l'église trouve la facilité à pécher. Parce que les péchés est parmi les choses qui empêchent l'homme de connaître Dieu. Et lorsque le diable veut empêcher à l'église de connaître Dieu, le diable se décide de ramener l'église sous un système. Et vous allez voir aujourd'hui, même dans des films, c'est devenu difficile de trouver un film dans lequel il y a pas l'homosexualité. Pourquoi tout ça c'est un système qui combat la connaissance de Dieu? Mais il est temps. Il est temps que Dieu réveille des hommes et des femmes qui ne seront point emportés par ce monde. N'est-il pas écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligent. Le Seigneur m'a affirmé une chose, que ce soir il est venu briser tout système qui vous empêche de le connaître profondément. Je disais que ce soir Dieu m'a envoyé avec un message afin de dire à une personne, ce n'est pas normal de normaliser le péché. Ce n'est pas normal. Vous savez, le troisième signe, qui montre que vous êtes sous le système du diable, c'est lorsque vos priorités changent. Je répète, quand vos priorités changent, c'est là, c'est ainsi il est que vous êtes désormais sous le système du diable. Mon système est Satan. En aucun jour, ce vêtir était une priorité pour Dieu. Je veux dire quoi, mais lorsque Adam et Ève ont donné les oreilles au Satan, cette couverture est devenue une priorité. Mais tout ce temps, il vivait dans le jardin. Dans l'atmosphère de l'Éden, c'est une atmosphère liée à la nudité. Alors, lorsqu'on parle de la nudité, on peut voir ta nudité que celui qui est intime à toi. Tu ne peux pas montrer ta nudité à une personne qui n'était pas intime. Ça veut dire le jour que Adam s'est décidé de se couvrir, c'est le jour qu'il a dit à Dieu, nous ne sommes plus intimes. Ah, je répète, le jour que Adam et Ève se sont décidés de se couvrir, c'est le jour qu'ils ont dit à Dieu, nous ne sommes plus intimes. Or, il est impossible de connaître Dieu si vous n'êtes pas intime à Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. On ne demande pas d'entrer dans la cuisine. On ne demande pas d'entrer dans le salon. Parce que tout le monde peut entrer dans le salon. Même les invités peuvent entrer dans le salon. Mais quand Dieu parle, il dit, entre dans ta chambre. Parce qu'on ne peut entrer dans ta chambre que celui qui est intime. Et les choses intimes ne se font que dans la chambre. Et c'est ainsi le système du diable fait en sorte que l'église ne soit plus intime. C'est pourquoi nous avons des chants qui ne bénissent plus, parce que ceux qui chantent ne sont pas intimes. Je disais, c'est pourquoi aujourd'hui même les miracles ont disparu, parce que ceux qui veulent opérer les miracles ne sont pas intimes à Dieu. Aujourd'hui il n'y a plus de prédication peuvent gagner 100 âmes. Pourquoi ceux qui prêchent le prêchent par envie, mais pas parce qu'ils ont été baptisés dans l'intimité avec vous? Je suis en train de prier pour toi ce soir, qu'après ce culte, que Dieu restaure, que Dieu restaure l'intimité avec toi. Et c'est le but du système. Parce que le diable sait la toute forme de connaissance. Je crois l'autre fois, je vais parler de la connaissance informationnelle. C'est la connaissance qui vient des informations. Il y a ce qu'on appelle la connaissance vécue. Et c'est que le berger nous a dit, le hiada. Alléluia. Cette connaissance qui vient d'une profonde intimité. Alléluia. Amen. Hosanna. Je disais, lorsqu'une personne est sous un système, ses priorités changent. L'église n'est plus une priorité. Dimanche c'est devenu le jour de sport. Tu es fatigué. Tu travailles à 16h. Je te dis que je suis fatigué. Tu n'irais pas. Tu es sous un système. Ceux qui ne sont pas sous le système, ils ont un ardent désir de chercher Dieu. Même lorsqu'ils sont fatigués, leur cœur brûle. Comme Jérémie le dit, lorsque je dis que je ne parlerai pas de lui, je suis en train de prier en précécute qu'un feu nouveau puisse venir. Et je veux parler maintenant, je suis presque à la fin. Et puis on va prier. Voici les étapes qui vous permettront de quitter le système et de vous ramener vers la connaissance. La Bible déclare, lorsque Dieu rencontre Abraham, il demande à Abraham de quitter le. La première des choses qui vous permet de quitter sous un système, c'est de quitter cet environnement des personnes qui sont sous ce système. Alléluia. Amina. Autrement, je veux dire, la séparation est une voie inévitable. Toute personne qui veut connaître Dieu. Je répète, la séparation est une voie inévitable pour toute personne qui cherche à connaître Dieu. Quand tu veux connaître Dieu, il y a des lieux que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des personnes que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des musiques que tu ne dois plus écouter. Parce que tu cherches à te séparer du système afin de se rattacher à l'atmosphère. Je répète, la séparation est une voie inévitable pour toutes les personnes qui veulent connaître Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand Dieu veut parler à Abraham, il lui demande de quitter sa famille. Quand Dieu veut parler à Moïse, il fait en sorte que Moïse quitte le palais royal et se retrouve sur une montagne afin de parler avec Dieu. Pourquoi? Dieu ne sait pas aller loin avec toi si tu ne sais pas te séparer. C'est quoi Jésus a dit? Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Parce que Dieu trouve l'envie de te parler. Lorsque tu te décides de te séparer, il y a des séparations qui feront mal, mais qui seront importantes pour ta vie et ta destinée. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Que Dieu te donne le don de discernement, afin que tu discernes qui est-ce que tu dois te séparer cette année. Afin de permettre à Dieu de se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Monte avec moi, donne-moi un instrumental prophétique, on va monter. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Même au commencement, la Bible déclare, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbres. À chaque fois que Dieu veut provoquer une naissance, il provoque une séparation. On ne peut pas parler du jour et de la nuit si Dieu n'a pas séparé au départ les ténèbres et la lumière. C'est que le jour est venu par la séparation de la lumière et du ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à chaque fois qu'il y a naissance, même pour que l'enfant quitte du ventre, au-dedans du ventre de la mère, il doit y avoir une séparation. Le cordon doit se couper. À chaque fois que Dieu veut produire une naissance, il doit vous séparer de quelque chose. Il doit vous séparer de quelque chose. Et ce soir, Dieu veut que tu le connaisses. Mais il va commencer par te séparer. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui quitteront ta vie après. Parce que Dieu commence la voie de la séparation. Je disais qu'il y a des choses qui il y a des choses qui vont entrer dans ta vie. Et lorsque Dieu va faire l'opération de la séparation, ce prix de droit, ça peut être une fiancée. Tu peux te séparer. Et l'une des choses que j'aime, à chaque fois que Dieu te sépare de quelqu'un, c'est que la chose, ça peut être la chose que tu voulais, mais ce n'était pas la chose qu'il te fallait. Alléluia. Amen. Et dans la connaissance, sur le chemin de la connaissance avec Dieu, Dieu commence premièrement par te séparer, par te séparer de toute personne qui peuvent apporter un enseignement contraire à celui qui veut te donner. Et après la séparation, il y a une voie inévitable. C'est la voie maintenant de l'enseignement. Dieu commence maintenant à enseigner. C'est pourquoi Dieu a demandé, après que vous aurez baptisé, vous devez maintenant les enseigner. Parce que quiconque veut connaître Dieu doit passer par les enseignements qui lui permet à ces derniers de connaître Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, je t'instruirai, je te conseillerai et je te montrerai la voie. Parce que quand Dieu veut que tu le connaisses, il veut que tu le connaisses, il viendra avec l'enseignement qui te permettra de le connaître. Et c'est ce que j'aime dans la connaissance de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on ne connaît pas seulement qui il est, on connaît ce que nous sommes en lui et on connaît ce qu'on doit faire en lui. L'ignorance t'empêche à connaître qui tu es et ce que tu dois faire. Mais la connaissance de Dieu te montre qui est Dieu, te montre ce que tu es en lui et ce que tu dois faire en lui. Je suis en train de prier pour toi que ce soir, que Dieu t'enlève de tout système dans lequel on t'a établi, mais que Dieu t'amène dans son atmosphère. Ce soir, Dieu est venu restaurer l'atmosphère. Je disais que ce soir, Dieu est venu restaurer l'atmosphère. Parce que sans l'atmosphère divine, il est impossible de connaître Dieu. C'est pourquoi la voie ultime, lorsque Dieu veut que tu le connaisses, il te remplit de la soif de lui connaître. Il te remplit de la soif de lui connaître. Et après ce culte, Dieu te remplira d'une soif, une soif qui ne finit jamais, afin que tu le connaisses. Tu me donnes un puissant amen et ces choses commencent dans ta vie. Je disais, tu me donnes un puissant amen et ces choses commencent dans ta vie. Nous sommes ce soir à ce qu'on appelle la chambre haute, qui est le lieu de la transformation, le lieu d'intimité, le lieu de rencontre. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous sommes à la chambre haute? Je disais, est-ce que quelqu'un peut dire, nous sommes à la chambre haute? Est-ce que quelqu'un peut dire, nous sommes à la chambre haute? C'est que j'aime avec l'une des lois de la chambre haute, c'est que personne ne sort tel qu'il est entré. La Bible déclare, l'onction et l'esprit n'est pas descendu sur un seul personne. La Bible déclare que l'esprit est descendu sur toutes les personnes se trouvent dans la chambre haute. Il est vrai que hier, le diable t'a empêché d'entrer dans l'atmosphère. Et le diable a fait une erreur, c'est de te laisser ce soir venir. Parce que ce soir, nous sommes venus à la rencontre. À la rencontre. À la rencontre. C'est que j'aime. Le système établit les réalités. Le système établit les réalités. Mais l'atmosphère divine établit la vérité. Je répète, le système établit les réalités, mais l'atmosphère divine établit la vérité. La réalité est que l'autel de ta famille vous a rendu stérile. Mais la vérité est que il a dit, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avortera dans ta maison. Ça c'est la vérité. Le système établit la réalité. La réalité c'est ta maladie. Mais la vérité a dit, vous me servirez, vous soutenirez votre pas, votre rang, et j'éloignerai la maladie loin de moi. La réalité c'est le célibat. Personne ne se marie dans ta famille. Mais la vérité est que l'homme et la femme quittera son père et sa mère et s'attacheront et formeront une seule chair. Nous sommes maintenant à la saison de la vérité. La réalité est que Salomon a dit, mais je connais lorsque Jésus est venu. Vous devez savoir, lorsque vous êtes sous le système, vous vivez selon les lois du monde. Mais lorsque vous êtes sous l'atmosphère, vous vivez sous la toute possibilité de Dieu. Les lois de ce monde nous disent qu'une femme qui atteint la ménopause ne peut pas enfanter. Mais l'atmosphère divine nous dit que quel que soit l'âge, quel que soit l'âge, je suis en train de dire à quelqu'un, les lois de ce monde nous apprennent que pour être roi, vous devez avoir le sang royal. Mais l'onction, l'atmosphère divine me dit que David n'avait point d'onction royale. Et l'atmosphère divine crée les briseurs de cycles. Je disais, l'atmosphère divine crée ce que j'aime. La Bible dit, et ceux du peuple, on n'a pas dit tout le peuple. Quand on dit et ceux du peuple, c'est une partie du peuple qui connaîtront leur Dieu, marchera avec fermeté. Quand tu connais Dieu, tu comprends que la sorcellerie n'est pas puissante. Lorsque tu dis que Baloche va couloka, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, qui est ta grand-mère pour qu'elle puisse t'étrangler pendant la nuit? Qui est elle? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yes. Lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais Dieu, tu ne dépends plus de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tu n'iras pas. Mais ce que je sais, mon Dieu dit, mon serviteur montera. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Après la connaissance que tu auras de Dieu ce soir, après la connaissance que tu auras de Dieu, vous devez savoir, lorsque l'homme connaît Dieu, la première des choses qui change, c'est le langage. Oh, tu m'as pas entendu, j'ai fini. Je disais, lorsque tu connais Dieu, la première des choses qui changent, c'est ton langage. Tu as le langage de pauvre parce que tu ne connais pas Dieu. Tu as le langage de malade parce que tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu comprends que ton langage change. Je prie que ton langage change ce soir. Ce soir, tu diras, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire. Célibataire. Vous savez, en réalité, c'est parce qu'elle ignore les plans de Dieu. Si Anne avait enfanté, dès les jours que Pénina s'est moqué d'elle, Samuel ne devait pas être un prophète. Samuel ne devait pas être un prophète. La Bible dit une chose. Dieu appela Samuel lorsque la parole de l'Éternel était rare. Ça veut dire, Anne n'était pas stérile. Mais Dieu attendait que la parole de l'Éternel soit rare afin que Anne puisse porter une semence. Qui fera en sorte que la parole de l'Éternel ne soit pas rare. Pénina enfantait avant Anne. Pénina, mais je ne connais aucun enfant de Pénina. Que quelqu'un me donne un nom de l'enfant de Pénina. Mais Anne qui est venu juste après. Anne qui est venu juste après. On me parle de Samuel le foyant. C'est que je me suis même rendu compte qu'on a connu David à cause de Samuel. Samuel. Ah. Yes. C'est à cause de Samuel qu'on connaît David. Oh my God. Je suis en train de déclarer sur la vie de Dieu. Natangasa kumaisha mutu. Il y a des retards inscrits par Dieu. Kuna kwama kukawa kuna wekeo kwa Mungu. Alléluia. Amina. Hosanna. Hosanna. Ceux du peuple. Ta ifa ile. Ils connaîtront leur Dieu. Ile tamuchua Mungu wao. Marcheront avec fermeté. Watatembea na hodari. Ça veut dire. Inamaanisha. Quand tu connais Dieu. Wakati unamchua Mungu. Ta marche n'est pas fonction. De la qualité de choses que tu fais. Ta marche est fonction de la connaissance que tu as de Dieu. Nous ne marchons plus parce que nous sommes riches. Même si on n'a pas assez d'argent, on sait que demain tu seras riche. Parce que tu es riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions s'enrichir. Je vais dire à quelqu'un, le système a limité ta qualité de pensée. Mais ce soit Dieu te dit, brise ce système et laisse que Dieu se révèle. Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre la révélation de Dieu? Est-ce qu'il y a une âme en ce lieu qui est prête à vivre le changement? Est-ce qu'une personne est prête à vivre le changement? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je lève ma main droite comme prophète. Je déclare et déclare. Fini la saison. Que vivre sous le système établi par le Seigneur. Il est temps de vivre selon la pensée de Dieu. Il est temps de vivre selon ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu prospéreras. Dieu dit que tu réussiras. Dieu dit que tu iras loin. Dieu dit que tu vivras longtemps. Alors enlève cette pensée qu'on t'a imposée. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas moche. Quelqu'un se pose la question. Je ne me marie pas parce que je suis moche. Tu n'es pas moche. Tu n'es pas moche. Dans la connaissance de Dieu, l'une des choses que Dieu te donne lorsque tu le connais, c'est la capacité de lire le temps. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a dit, je veux briser toute forme de système que les familles ont établi, que les quartiers vous ont établi, que les moqueries ont établi dans vos vies. Ce soir, Dieu brise ce système afin d'ouvrir une voie de la connaissance. Et ce que je dis, la domination spirituelle par la connaissance, c'est que vous devez comprendre. L'acte de signe qui atteste que vous connaissez Dieu, c'est la domination. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu si vous n'êtes pas capable de dominer. Après, c'est que tu dois dominer sur la pauvreté de ta famille. Tu dois dominer sur la sorcellerie de ta famille. Je parle comme prophète. Ah, je parle comme prophète. Après ces instants, je te vois dominer dans ton quartier. Je te vois dominer au travail. Je te vois dominer partout où tu es. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et tu n'avais pas ce moment. Je voudrais qu'on fasse une prière. La première prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, brise tout système. Angusha système que ta famille a établi sur ma vie. Il est jamais. Tu dis à Dieu, je n'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis. Mais le monde m'a imposé des systèmes liés à ma famille. Mais ce soir, Seigneur, je veux que je brise. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Paranagladesh. Merci. Fais-moi ce chant, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre prier? Est-ce que tu me peux me faire? Tu m'entends prier. Panda tena maombi. Tu m'entends prier. Panda maombi. Est-ce que tu peux claquer tes mains? Tu es en train de prier. Tu dis à Dieu, tout système doit tomber ce soir. Tout système que mes familles ont établi doit tomber ce soir. Sapera kate vele parada ko paradasa. Sapera dakla de vele telosa. Ratabaya da ko perade sota. Rakapele de sovele de parada kladia. Sopepele de vela ko sapera da. Ekolo koloni. Okay, for the Lelina, the tu pries, tout système établi, tu détruis, tout système établi, toute forme de pensée que le monde a établi. Tu brises, claque tes mains et prie, claque tes mains et prie. L'on s'appelle. Mascata vala de capaya. Tu claques tes mains et tu es en train de prier. Tu claques tes mains et tu es en train de prier. Tu dis à Dieu, Père, tout système établi dans le monde des ténèbres, ce soir, Chakamara Nakayana. Galatos, Chapelle. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Père, que Papa, toute chose établie par le diable dans ma famille, afin d'apporter, il n'y a pas de couleur. Une atmosphère démoniaque. Car vous devez savoir que chaque système porte une atmosphère. Vous allez dire à Dieu ce soir, toute atmosphère que le système du diable a porté dans ma vie se brise ce soir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Kaladash Parada Kladushka Satele Brada Velaka Erata Velanias Rata Velekopea Satepele de Klaya. Je suis en train de prier. ne te fatigue pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Rakavarada Kloshape. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Rata la chata la go. Sotolo tolo chate pela. Sote kaparada so. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu claques? Est-ce que tu peux claquer tes mains? Wouh! Sata la vela. Soto toto to palaska po. Sata baka pere de klados. Pele de kosita loya. Etele sate kupela. Sata baka pela ya. On va faire maintenant cette prière. Tout à fait, Namambi. Faites-moi. Moya Nolie. Moya Nolie. Nous allons faire cette prière. Tout à fait, Namambi. On va dire à Dieu. Je désire une chose. Ton atmosphère. A toi, Yako. Tu dis à Dieu. Je ne veux pas te demander beaucoup de choses ce soir. Si ta kulomba, tu mais je te demande juste une chose. La kinina kulomba, ton atmosphère dans ma vie. Yako, ton atmosphère dans ma vie. Yako, car je peux connaître Dieu. Na wesa, comme tu que celui qui se trouve dans son atmosphère. Ainsi tu vas dire à Dieu. Na ifuta Baba. Libère ton atmosphère dans ma vie. Libère ton atmosphère dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Kuna mutu atawesa komba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Mutu mumacha anaweza kupanda maombi. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Désire l'atmosphère de Dieu dans ta vie. Désire l'atmosphère de Dieu. Désire l'atmosphère de Dieu. Désire l'atmosphère de Dieu. Désire l'atmosphère de Dieu. Désire l'atmosphère de Dieu. Désire l'atmosphère de désire l'atmosphère de Dieu dans ta vie. Désire l'atmosphère de Dieu dans ta vie. Je désire ton atmosphère. J'aimerais laisser la place au prophète. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Elisa pera da pau. Alléluia. Rakapela sofela meka. Alléluia. Raklada asia non. Alléluia. Va adesso. Ristafo. Alléluia. A te feia. Alléluia. Sofera da ekla. Alléluia. Sovelita. Alléluia. Ala prada vele ate. Alléluia. Voici la dernière prière. Tazameni ombi la mwisho. Tu vas dire à Dieu. Uta semana mungu. Alléluia. Donne-moi la soif. Remplis-moi de la soif de toi. Tu dis à Dieu, remplis-moi de ta soif. Est-ce que quelqu'un peut faire Alléluia. Alléluia. Sobrodonita uzia pranita usika. Alléluia. Isis sopa. Alléluia. Sotolia mante cosi vela hat. Alléluia. Iteno sopara da cladash. Alléluia. Oh sofele de clad. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Maman, juste assis là-bas. Non, celle qui a de une robe fleurie, oui. Avancez, maman, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie pour Jésus? Je disais, est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie pour Jésus? Je disais, est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire le ciel est ouvert? Cherche-moi droit, personne. Dis-le, le ciel est ouvert. Je disais, cherche droit, personne. Dis-le que le ciel est ouvert. Non, tu n'es pas prophétique. Je disais, cherche juste trois personnes. Et dis-le que le ciel est ouvert. Maman, vous allez bien? Pourquoi, quand vous étiez assis là-bas, j'ai vu le drapeau de la Zambie sur vous? Votre grande famille se trouve en Zambie. Non. Merci, papa. Seul papa a célébré le prophète. Est-ce qu'on peut célébrer le prophète? Tu le fais pas bien. Est-ce qu'on peut célébrer? Vous dites que... Parce que pendant que j'étais en train de voir le drapeau de la Zambie, j'ai vu le feu sur le drapeau de la Zambie. J'entends un nom comme Gardeline. C'est qui? Ma petite soeur. C'est votre petite soeur. Oui. Fatina, c'est qui? C'est ma petite soeur. Fatina, c'est votre petite soeur. Ibrahim, c'est qui? C'est C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Patrick, c'est qui? C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Aliada, ça. Patrick, c'est votre grand frère. Oui. My God. Christine, c'est qui? Christine, c'est ma grande sœur. Christine, c'est votre grande sœur. Ah, je suis dans votre famille. Malia no copra d'Alia Sofa. Elle est Manasha Parian. Daniel, c'est qui? Daniel, c'est mon grand frère. Daniel, c'est votre grand frère. Ainsi le Seigneur est en train de me dire, ainsi me parle le Seigneur sur votre vie. La première des choses qu'il est en train de faire, il est en train de restaurer votre famille. Amen. Parce que pendant que j'étais en train de voir ces noms, j'ai vu dans ma vision ces noms étaient éparpillés. Et le Seigneur me dit que de la même façon que ces noms sont éparpillés, c'est de la même façon qu'on a voulu éparpiller les grâces de votre famille. Mais pendant que j'étais en train de vous parler, j'étais en train de voir, on était en train d'aligner ces noms. Et Dieu est en train de me dire, de vous dire, que ce soir, il se décide d'aligner les grâces de votre famille. Et à partir de maintenant, mais il y a quelque chose que Dieu est en train d'arrêter. Dieu est en train d'arrêter la mort. Mais il est en train d'arrêter parce que pendant que je vous parle, je vous ai vu sur un lit de l'hôpital. Mais pendant que j'étais en train de voir, j'ai entendu des gens dire, elle doit tomber malade le 25 mai. Pourquoi elle doit tomber malade le 25 mai? Parce que le 27, il y a quelque chose. Le 27, vous fêtez votre anniversaire. Mais Dieu m'a clouche, Kapalia. Et on voulait que vous puissiez tomber le 25 mai malade, afin de partir le 27 mai. Mais Dieu est en train de me dire, de vous dire, à cause de votre présence ici, il accepte d'arrêter cet esprit de mort. Qui voulait vous prendre? Parce que la maladie vous a beaucoup frappé. Venez que je vous dise quelque chose, Mashki. Est-ce qu'on peut célébrer le prophétique? Est-ce qu'on peut célébrer? C'est ce que j'étais en train d'entendre dans mes oreilles. Et Dieu me dit que c'est cette chose maintenant qui devait prendre de l'ampleur en mai. Mais Dieu me dit, c'est vous qui êtes venu me voir hier. Dieu me dit de vous dire, il va faire quelque chose. Amen. Cet homme-là, il va faire quelque chose. Amen. Et on saura que vous servez le vrai Dieu. Amen. Oui, on saura que vous servez le vrai Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que le prophète monte? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut célébrer le prophétique? Je ne sais pas pourquoi moi, tu t'assois. Je ne sais pas pourquoi tu t'assois. Si tu es jeune, on a je ne sais pas pourquoi tu t'assois. Si tu es jeune, on a j'aimerais faire quelque chose rapidement. La peine de faire quelque chose rapidement. J'aimerais faire quelque chose rapidement. La peine de faire quelque chose rapidement. Chérie Avan, ton sémé. Continue avec l'instrumental. Est-ce qu'une personne peut m'aider à célébrer la grâce de l'homme de Dieu? Tout moi, je n'ai pas changé les acronymes, même tout mes chambres. Les verriens sont phénomènes qu'elle a rassusé. Palia Zoven Tomaleko Shadea Asuze Perenia Vazuze Ketoa Ali Gepas Mandele Mause Sa Ekapa Elelo Wakepa Iveras Nomelen Teve Elisha Eas. Hier le prophète était en train de parler de Sharon. Sharon, c'était Papa Sharon, je pense. Chanana Biarazo Zumusia Josha. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans la salle? Oui. Ok, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Est-ce que pendant qu'il s'avance, vous pouvez célébrer le prophétique? Les meilleurs souples d'era et kentovelia asos. Il y a une chose qu'on va faire. Le message de ce soir est un message prophétique. Et vous allez voir comment l'esprit de Dieu est connecté. Et Dieu est en train de me dire, alors qu'on était en train de prier. Il était 4 heures en prière avec le prophète et le Seigneur était en train de me dire que ce soir le Seigneur sera en train de délivrer les familles. Ce soir, tu n'as pas acclamé parce qu'il ne s'agit pas de ta famille. Ah, upike mikono kwa sababu. Ce soir, le Seigneur sera en train de libérer les familles. Papa Sharon, Odi. Mais pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur est en train de me dire, il y a un système qu'il est en train de casser avec le nom de Chikadi. Chikadi, Chikadi vous dit quoi? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Vous allez vous confirmer pour la salle, vous ne confirmez pas pour moi. Chikadi, c'est mon poste énorme. Chikadi, c'est votre poste nord. Est-ce que vous pouvez faire un pas en avant? Alors que vous faites ce pas-là, Magui, c'est qui? C'est ma petite sœur. Magui, c'est votre petite sœur. Non, tu célèbres mal le prophétique. Vous faites un pas en avant, je vois Magui. Faites un deuxième pas. Grâce, c'est qui? Petite sœur. Grâce, c'est votre petite sœur. Faites un troisième pas en avant. Magui, grâce, blessing. Petite sœur. Blessing, c'est votre petite sœur. Écoutez, le Seigneur est en train de me dire, pourquoi je vais dans la famille Chikadi? Parce qu'il y a une délivrance de trois qui est en train de s'opérer dans votre famille. Vous avez combien d'enfants? Trois enfants. Vous avez trois enfants. Voilà pourquoi le Seigneur me parle d'une délivrance de trois. Pendant que vous faites trois pas, ce ne sont pas que vos trois enfants qui sont épargnés. Mais il y a Magui, il y a Grâce et il y a Blessing. Pourquoi Dieu est en train de protéger ou d'épargner la vie de Magui, de Grâce et de Blessing? Parce qu'il y a un autel qui a été élevé ou qui avait été élevé du côté, mon esprit est en train d'aller du côté de Kananga. Je suis de Kananga. Vous êtes de Kananga. Non, tu célèbres mal le prophétique. Vous savez, pourquoi le Seigneur parle des détails de votre famille? Je suis dans votre famille restreinte. Ok, je suis chez vous. Dieu est en train de libérer la famille de quelque chose qui a été envoyé de Kananga. Et cette chose était venue pour la vie de ces trois personnes: Magui, Grâce, Blessing. Mais parce que cette chose-là n'avait pas pu prendre les gens de la famille, j'ai vu cela quitter de la part de votre famille restreinte pour aller dans votre propre famille et vouloir prendre la vie de vos trois enfants. C'est là que l'esprit était en train de dire au prophète qu'il faut prier pour vos trois enfants. Lorsqu'on sera en train de finir ces cultes, est-ce que les enfants sont à l'église? Ils sont à l'église. Lorsqu'on sera en train de finir ces cultes, ou alors que je serai en train de finir de vous parler, faites un effort, allez voir papa avec les enfants, que papa puisse prier pour toute sa famille. Parce qu'il y a un esprit de mort qui était en train d'essayer de prendre les trois personnes. Et lorsque ça sautait ces trois personnes, cet esprit a voulu prendre les trois enfants de votre maison. Mais je suis en train de lever ma main comme un prophète. Et je décrète et déclare, amen, que cela n'aura pas lieu dans votre vie, amen, dans le nom de Jésus. Dieu est en train d'épargner la vie d'une personne qu'on appelle aussi, ce n'est pas chez vous, on appelle Marie. Marie, est-ce qu'il y a une Marie? Est-ce qu'elle est ici? Parce que je n'arrive pas à sentir son esprit. Marie. Si elle n'est pas ici, je vais avancer. Si elle n'est pas ici, je vais avancer. Marie Kamba. Marie Kamba. Elle n'est pas ici? Vous dites? Elle vient de s'accoucher. Ok. Pourquoi Dieu donne le nom de Marie Kamba? Parce que Dieu était en train d'épargner la vie de Marie Kamba. Il y a une chose qui était autour de la naissance, de la naissance qu'elle devait donner, de sorte que sa vie devait être prise. Mais Dieu est en train de dire qu'il est en train d'accorder la victoire dans la vie de Marie Kamba. Et alors que je parle de Marie Kamba, pour confirmer, vous qui connaissez la personne, pour confirmer que je parle de Marie Kamba, je vois je suis en train de voir comme le nom de Greta à côté de Marie Kamba. Je vois le nom de Greta lorsqu'elle viendra, si elle peut venir, on pourra confirmer. Je vois le nom de Greta et je vois le nom de Hélène à côté d'elle. Et Dieu est en train de me dire, ces deux personnes, à cause de la même grâce, sont aussi gardées. Papa Sharon, Chikadi, voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. Lorsque Dieu envoie Gédéon, il dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Mais un autel ne peut pas être détruit lorsqu'il est laissé vide. Un autel ne peut être détruit en étant remplacé que par un autre autel. Et Dieu est en train de me dire, je vous donne maintenant l'orientation. Vous devez bâtir un autel pour ces trois personnes, ces trois enfants de votre famille, et dire à ces trois personnes qui ont été mentionnées ici, de là où elles sont, de bâtir aussi un autel, et elles diront que cet autel, c'est l'autel de la vie. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce qu'une personne peut célébrer le prophétique? Non, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans des atmosphères comme ça, on ne reste pas statique. Parce qu'il est possible, alors que tu fais un mouvement, mais l'on fait la asouces. Keria nomela, Iven, Tessawila Agoute. Hier, le prophète a donné le nom de Jocelyne lorsqu'il a salué Déborah. D'abord, est-ce que Déborah elle-même l'a dit hier, elle est là? Vous pouvez reprendre votre place. Est-ce qu'une personne peut célébrer le Seigneur? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées, sont à nous et à nos enfants. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. C'est vous, Déborah? Oui. Déborah? Oui. Déborah? Oui. Christelle, c'est qui? Ma grande sœur. Christelle, c'est ta grande sœur? Oui. Nale kon vredelia susa. Ikeveria akumen towas leve ekai. Dieu des esprits des prophètes. Lucien, c'est qui? Mon grand frère. Lucien, c'est ton grand frère? Oui. En fait, je ne comprends pas comment les gens ne célèbrent pas les prophétiques ici. Non. Lucien, c'est ton grand frère. Oui. Tu sais pourquoi je suis en train de te donner? Esther, c'est qui? Esther. Esther. J'entends comme Esther. Esther. Après Esther, j'entends comme Fanny. Ma petite sœur. Fanny, c'est ta petite sœur. Oui. Lucien est né au mois de septembre. Oui. On a déjà parlé? On se connaît? Non. Ok. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et parce que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Je prends votre famille et je mets votre famille là. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un esprit de retard qui a été envoyé dans la famille. De sorte que les grâces sont là. Mais les choses que le Seigneur veut faire dans votre vie prennent beaucoup de temps. Je suis en train de voir une famille où le Seigneur a déposé des talents. Mais les choses n'arrivent pas au temps convenu par Dieu. Et Dieu est en train de me dire, Dieu vient ce soir dans ta famille pour casser le système qui avait été établi dans ta famille. Afin que ce retard qui avait pris place, que ce retard-là puisse quitter votre famille. Je suis en train de voir quelque chose venir dans la vie principalement de Lucien. Et cette chose-là viendra de Colossie. Je suis en train de voir un appel qui vient comme de Colossie. Et on est en train d'appeler Lucien où? Kalemi. Lucien est à Kalemi. Vous savez pourquoi je dis Colossie? Parce que j'entends en Swahili que il est bénédiction itakuya mumaka jabulongo. Mumaka jabulongo. Ok? Si vous pouvez parler avec Lucien, posez la question à Lucien. Quels sont les projets qu'il a en ce moment? Il vous dira qu'il y a quelque chose dans son cœur, si ça n'a pas encore commencé. Des connexions Mumaka jabulongo. C'est là que Dieu veut bénir sa vie. Mela souveria enamen toveliga as. Pekavel ome enia susa. Et il y a quelque chose. Voici ce que. Est-ce que vous pouvez me donner la main? Mendova kizeli ekombre de lia susa vegadesh. Dieu annule cet esprit qui a été envoyé dans la famille afin d'empêcher ou d'amener beaucoup de complications dans le domaine du mariage. Est-ce que tu me comprends? Écoute, si vous voulez vivre une nouvelle dimension dans ce domaine que je suis en train de te donner, il faudra faire asseoir toutes ces personnes et leur dire, on doit élever une prière en famille afin de casser l'esprit de retard dans le domaine du mariage. C'est vous qui avez dit hier ici que vous voulez vous marier cette année, non? Ah, mais votre façon de dire Amen, c'est compliqué. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen comme une personne qui va se marier cette amen. Année? Amen. Il y a des Amen, même si le mariage peut venir. Même si le mariage peut venir. La Jocelyne dont je parle, je suis en train de finir. La Jocelyne dont je parle. Jocelyne. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Jocelyne Ngoy. Je ne sais pas si elle est de l'église ou si elle est ici. Jocelyne Ngoy. Ndala. Est-ce que vous connaissez cette personne? Elle vient de partir. Ok, c'est bon, merci. On vous dit toujours que quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de partir lorsque le culte n'est pas encore fini. Donc le Seigneur a déjà préparé une parole pour elle. Elle part avant qu'on finisse. Jocelyne. Ah, que Dieu parle à son esprit qu'elle revienne. Je suis en train de décréter, de déclarer. Voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Ce soir, Dieu est en train de déposer une semence prophétique dans cette église. Dieu sera en train de prendre toute personne qui a la soif nécessaire d'écouter Dieu et de chercher Dieu afin de l'utiliser puissamment dans cette église. Ça ne sera pas une question d'âge. Je répète, ça ne sera pas une question d'âge, mais ça sera une question de soif. Parce que dans la dimension spirituelle, ça n'a jamais été une question d'âge, mais de dimension. Toute personne disponible sera en train de vivre cette dimension prophétique dans sa vie. Je lève ma main droite comme prophète de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi? Je lève ma main droite comme prophète de Dieu et je décrète et déclare de partout où tu es que cet esprit prophétique puisse tomber sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit prophétique vienne sur toi afin que nous puissions marcher comme une église, non pas aveugle, mais une église qui marche avec la lumière de Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier pendant 2 minutes? Prie simplement 2 minutes et dis au Seigneur, je veux cet esprit prophétique sur moi. Shelamangawa zela tuzawiva. Perianoveliga asto jevelite. Mendola zizopa keveria atos. Elai kepo wailesh kava idomeas. Père éternel, comme ton roi et ton prophète, de la même manière que tu as ouvert les yeux par ta grâce à tes rois en ce lieu, de la même manière que tu es venu à moi, tu m'as placé dans une atmosphère et dans un environnement où des choses se sont ouvertes dans ma vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces hommes et ces femmes qui ont soif de toi puissent être placés aussi dans une atmosphère où des choses seront ouvertes dans leur vie, de sorte qu'ils seront en train d'expérimenter les choses spirituelles, la domination spirituelle par la connaissance de Dieu. Père, je prie afin qu'une semence prophétique tombe encore dans cette église et dans cette assemblée. Seigneur, nous voulons marcher et voir les dons et les grâces manifestés dans cette église. Nous voulons qu'Eros leva Erian Omega. Sèche café la mando Westfa et Esprit de Dieu, mes deux genoux à terre. Devant cette chair, c'est pour demander une seule chose. Bois le Dieu des esprits des prophètes. Sélectionne dans cette assemblée tes prophètes et tes prophétesses. Ouvre leurs yeux afin qu'ils te servent dans la vérité, dans l'intégrité, dans le sérieux, selon l'analogie de leur foi. Mes genoux à terre sont une sémence dans cette église, afin que nous puissions voir et vivre ces choses. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'une personne peut célébrer comme une personne qui a reçu du Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer comme si tu avais reçu du Seigneur? On célèbre le Seigneur fortement. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut être debout pour acclamer ce Dieu? Fais un effort, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. On célèbre le Seigneur correctement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Pendant que nous préparons nos offrandes, la chorale nous donne aussi un cantique. Bénissons ces offrandes. Bénis toute main qui s'est avancée. Seigneur, rappelle-toi des entreprises de tout un chacun, afin que Père Dieu de gloire, même à la prochaine, à ceux-là, éternel Dieu de gloire, qui n'ont pas donné, qui puissent avancer aussi donner. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?